Salut tout le monde et bienvenue sur la POC édition du 7 décembre 2017. Je vais gagner ton animateur et avec moi, Sylvain Rioux. Hey, JBFM, comment vas-tu? Ça va très bien. Juste pour avertir les auditeurs, malgré ton message la semaine dernière d'amour éternel envers Jerry, tu lui as dit « mon gros loup ». Malgré ça, il n'est pas là, il n'est pas au rendez-vous. Je pense qu'il y a de quoi entre vous deux. Là, le courant passe pas. Écoute, je sais pas ce qui se passe, mais tu sais, des fois, écoute, on veut pas rentrer dans sa vie privée, là, mais tu sais, une vaginette maltraitée, des fois, tu as fucké son pH. C'est ça qui s'est passé. Jerry, je t'aime pareil, même avec ton pH, fucké. J'écoutais les enfants de la télé avec Guy Nadon, c'est le gars qui fait le personnage dans Série Noire qui disait ça, puis il collait ça sur le show. Ça m'a comme ramené des beaux souvenirs. Fait que là, ouais, c'est ça. Il a fucké son pH. Cette semaine, à l'émission, ce ne sera pas un épisode sur le Canadien de Montréal. Ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux sont déjà au courant. J'avais le goût, en prévision du match de samedi soir entre le Canadien et les Oilers d'Edmonton, de faire un épisode sur les Oilers d'Edmonton. Et si l'intérêt est là de la part de nos auditeurs, si la réponse est bonne, j'aimerais ça, une fois de temps en temps, faire des épisodes sur les 30 autres clubs dans la Ligue nationale, avec des fans de ces équipes-là qui viendraient en jaser avec nous autres, qui viendraient nous présenter cette formation-là, ce qui marche, ce qui marche pas, les bons coups, les moins bons coups. Et là, ben, pour cet épisode-ci, un grand fan des Oilers devant l'éternel, Sylvain, t'es là, tu sais, ça donne bien, ça me permet de tester le concept avec quelqu'un qui est habitué sur le show. Premièrement, là, Sylvain, explique-nous, là, ça vient de où cet amour-là des Oilers? Ça date de quand? Puis, t'es-tu un gars qui a reviré sa chemise de bord dans des insuccès du Canadien? Ou d'où ça vient? OK. Premièrement, bonjour la pression. Le concept repose entièrement sur moi. Si juste sur bon, toi. On va continuer. Si c'est pas bon parce que Sylvain t'es pas bon, ben fuck ça, on va juste continuer à parler du Canadien. Exact. T'as compris le concept. OK. Fait que pas de pression. Ouais. Non, mais pour vrai. pour vrai, on rit bien. Bon. Donc, pour répondre à ta question, moi, j'ai commencé à... OK, moi, je suis dans 75. OK. Okay. J'ai 42 ans. Les Oilers sont arrivés dans la Ligue en 79. Donc, j'ai 4-5 ans. À cette époque-là, la sensation, c'est évidemment Wayne Gretzky qui débarque. Du haut de mes 4 ans, c'est comme un des premiers souvenirs de hockey, c'est Wayne Gretzky. Je tombe en amour avec ce joueur-là. Je tombe en amour avec le chandail de cette équipe-là. Pas toujours, là, parce qu'il y a eu la période de fin des années 90 puis les années 2000 où est-ce qu'ils ont laissé tomber le orange pour un genre de bronze bizarre, là, mais le mix de blanc, orange, bleu, ça allait bien gros me chercher. Quand j'étais, j'ai toujours trouvé que c'était un des plus beaux jerseys de la Ligue. Donc, ça remonte à là. Ça remonte à cette époque-là que j'ai eu la chance de connaître. Tu sais, quand les Oilers ont gagné leur première coupe en 84, j'avais quand même 9 ans. Fait que, tu sais, c'est des souvenirs que je me rappelle. Là. Puis je me rappelle de les avoir vus perdre l'année d'avant contre les puissants Islanders. Fait que, tu sais, pour moi, c'est associé à mes premiers souvenirs de hockey. Par la suite, évidemment, en étant un gars de Montréal, j'ai suivi le Canadien jusqu'à il y a environ deux ans. C'est pour ça qu'il y en a qui disent que j'étais un vire-chapeau, parce que oui, j'ai trippé sur le Canadien, j'avais le Canadien dans le sang, mais les 2-3 dernières années que je les suivais ici, ça me faisait chier, la façon que c'était runné. Puis, l'échange de Subban a été juste comme la dernière goutte. Mm-hmm. Et comme je dis souvent, c'est pas l'échange de Piqué-Souban, c'est d'avoir échangé Piqué-Souban. C'est le motif. Parce que pour moi, il y a une différence. Parce que ni hockey. Je sais qu'on en a discuté souvent, toi et moi, t'es pas nécessairement d'accord avec ça, mais c'est pas une mauvaise transaction hockey à proprement dit, parce que chez Weber c'est vraiment pas un pied de céleri. Chez Weber, ça fait 6-7 ans que c'est mon défenseur préféré dans la ligue. J'adore ce gars-là. Mais c'est le fait d'avoir échangé Piqué pour des raisons bidons qui a fait que j'ai complètement abandonné le Canadien pour ne suivre que les Oilers. Fait que c'est pas mal ça, un résumé de où vient mon amour pour les Oilers, finalement. OK. Dans le fond, ta situation, là, si je résume assez bien, là, c'est un peu l'équivalent de ce que les jeunes d'aujourd'hui... Ben en fait, ceux là, qui ont en bas de 20 ans qui trippent sur les Penguins de Pittsburgh à cause de Sidney Crosby, c'est à peu près la même affaire. Puis là, on va avoir l'équivalent avec McDavid. Le meilleur joueur au monde est dans une équipe et ça attire nécessairement les petits culs qui trippent sur le hockey. Évidemment. Évidemment. T'sais, puis ça a été la même chose avec Mario Lemieux. Quand un joueur... polarisant comme ça, qui soulève les foules, qui remporte des championnats, des marqueurs et tout, c'est évident que pour un jeune fanbase, tu veux pas prendre pour les plus poches, puis tu sais, comme à cet âge-là, tu t'as pas la conscience, tu sais, de tout l'héritage qu'il y a en arrière d'une franchise, puis le prestige, puis rien de tout ça. Toi, tu regardes ce qui se passe là, puis tu regardes ce qui te fait triper. Mm-hmm. Donc oui, c'est justement les 25 ans et moins qui ont commencé vraiment à écouter le hockey là, 12-13 ans, c'est Sidney Crosby. Puis là, ça va faire la même chose en ce moment avec les Matthews et avec les McDavid. Ouais, je pense que Matthews, vu la proximité, puis tu sais, il y a un meilleur club, on va en parler, là. On va y arriver éventuellement, là. Mais je pense que Matthews va attirer beaucoup de regards parce que l'équipe, pour moi, a plus de chances d'aller chercher des championnats dans l'état actuel des choses. Mais McDavid, clairement, est le meilleur joueur de la Ligue nationale, puis déjà, ça a une influence, c'est sûr. Moi, quand j'étais jeune, venant du Lac-Saint-Jean, proximité avec les Nordiques de Québec, moi, mon club d'enfance, là, le club que j'avais une casquette, j'avais un jersey, moi, c'est l'Avalanche du Colorado, puis mon joueur préféré, c'était Peter Forsberg. Fait que, tu sais, c'est tout le temps ça. Il y a un lien. Un joueur de hockey. Ah, il était magique à voir aller. Pas nécessairement le meilleur, mais c'était tellement... C'était une âme. Il donnait un petit peu complet. Ben, c'était le style de... Ça va avoir de l'air bizarre à dire parce que c'est pas la même position, mais c'est le même flamboyance en tant que joueur, en tant qu'élément électrisant sur la glace que ce que Subban donnait aux Canadiens. Une présence physique, un game changer, il était polarisant. Oui. C'est soit que t'aimais Peter Forsberg, ou s'il jouait contre toi, tu le détestais parce que c'était tough jouer contre Peter Forsberg. Ah, et il gênait pas les petits coups de Sherwood en arrière des jambes, ses mollets, là, il gênait pas. Non. Puis pour les plus jeunes qui nous regardent, puis toi, je sais pas si tu as déjà vu cette séquence-là, allez sur YouTube, tapez Peter Forsberg, Timo Selänne, c'est du bonbon. Ah oui. Timo Selänne, pour faire l'histoire courte, Timo Selänne a frappé Forsberg un peu blindside. Puis Forsberg, en étant tout un compétiteur, retourne au banc, mais la mise en jeu se fait proche du banc après. Puis tout le long avant la mise en jeu, il y a un micro sur Forsberg, puis Forsberg donne la merde à Selänne en lui disant « Attends, mec, je rembarque sa glace, tu vas boire, puis toi, tu vas me voir arriver, mais tu vas avoir mal pareil. » Puis comme de fait, quand il rembarque un clean hit, mais ça a fait mal. c'est Forsberg. Mais en tout cas, le but, c'est pas de parler des Oilers, de l'Avalanche. Ça sera une autre émission. J'ai déjà mon homme là-dessus. Si ça marche, si Sylvain passe le test, j'ai quelqu'un déjà pour l'Avalanche. Ça met de la pression. Hey, s'il est chanceux, lui, peut-être que Jerry va être là. Peut-être. On va les faire couler un bain. Écoute, la situation des Oilers en ce moment est pas la plus glorieuse, dans la Ligue nationale, il n'y a que les Sabres de Buffalo et les Coyotes de l'Arizona qui ont une pire saison qu'eux. En 28 matchs, on parle de 24 points. Bon pour l'avant-dernier rang dans l'Ouest. Un différentiel de but pour but contre à moins 16. McDavid, pourtant, a plus d'un point par match. Explique-nous un petit peu, depuis le début de la saison, qu'est-ce qui fait qu'on en est là chez les Oilers, malgré tout le talent qu'on a l'impression qu'il y a dans cette formation? Bien, en fait, il y a un parallèle très facile à faire. Tu sais, oui, moi, j'étais content l'année passée. Moi, l'année dernière, moi, dans mes prédictions, au début de l'année dernière, j'avais dit que les Oilers vont aller cogner à la porte des séries pour rentrer en série comme cette année. Finalement, c'est un peu l'inverse qui va se produire, je pense. Pour la simple et unique raison que ce qui a fait mentir l'année passée, c'est Cam Talbot. Talbot 72 games, hein, l'an passé, c'est ça, hein? 72 games, c'est le gardien qui a vu le plus de rubber. Et malgré tout ça, il avait la meilleure... je pense qu'il était premier ou deuxième sa moyenne d'efficacité. Il a vraiment connu une saison incroyable. Mm-hmm. Et son début de saison de cette année, un peu comme ce qui s'est passé avec le Canadien. Carey Price s'est écrasé en début de saison, le Canadien s'est écrasé. Cam Talbot s'est écrasé en début de saison, les Oilers se sont écrasés aussi. C'est beaucoup ça, parce que je regarde les matchs, ben, je peux pas dire que je les regarde toutes parce que très souvent c'est quand même tard, puis j'ai quand même une vie, puis j'ai un enfant qui se lève de bonne heure le matin. Fait que les games à 10h, c'est un peu ordinaire, là, mais c'est pas nécessairement que les Oilers jouent mal, mais c'est vraiment. Écoute, c'est quand on parle de la défensive et du gardien qui avait des problèmes. On dirait qu'on parle du Canadien, tu sais. Mm-hmm. T'as Clefbaum qui l'an dernier, finalement, et je sais que toi, t'étais content parce que ça fait des années que tu dis à tout le monde que Clefbaum va être un excellent défenseur. Et l'année passée, il t'a finalement donné raison. Cette année, c'est un peu plus difficile. Je veux juste mettre Adam Larson, oui? Je veux juste mettre en perspective parce que toi et moi, on a été pendant de nombreuses années dans une ligue de hockey simulée où est-ce qu'on jouait au DG et mon club, c'était les Oilers. Donc, cette formation-là, les talents, surtout les jeunes talents, je les suivais énormément. Et Clefbaum, c'est un gars qui, tu sais, depuis son draft, je l'ai drafté dans cette ligue-là. Je le suivais puis j'étais convaincu de ma shot. Et on m'a tellement souvent dit, hey, décroche, là, tu sais. Il est pas si hot que ça. Puis là, l'an passé, finalement, il répond à l'appel. J'étais tellement heureux comme, hey, in your face. Oui, allez, oui, chier, oui, gang, oui, OK? Ça. Il est c'est bon. Ça. C'était 5 years in the making, là, mais t'es heureux. Malheureusement, cette année, je sais pas ce qui se passe, ça marche pas. On dirait que c'est la gang de la deuxième année, tu sais, parce que finalement, les équipes. À ta cinquième, ouais. Ouais, mais tu sais, finalement, il y avait le poste de numéro un, tu sais, défenseur numéro un. Et les clubs, l'an passé, faisaient pas nécessairement leur plan de match en conséquence d'avoir Clefbaum comme défenseur numéro un. C'était une surprise. Tandis que cette année, on s'attend à ce que ce soit lui. On s'attend à ce que ce soit Nurse. Donc, on a ajusté le tir aussi, là. Oui, ben tout à fait. Puis, tu sais, ça s'applique justement à toute l'équipe des Oilers, là, que l'année passée, tu sais, tout le monde disait, bah, tu sais, ils vont nous en passer une coupe, mais tu sais, bon, tu sais, un peu comme moi je disais, c'est un club de 9-10e place dans l'Ouest, puis ça va finir là. Mais, tu sais, tout a marché l'année passée, c'est bing-bang, tout fonctionnait, tout le monde a eu des bonnes saisons en même temps, ben presque tout le monde a eu des bonnes saisons en même temps. Ce qui a donné une fausse impression d'être un contender tout de suite. Puis c'est pas ça. Tu sais, il y a un énorme potentiel, mais c'est justement, c'est la preuve que quand ta défensive répond pas et que ton gardien ne te sauve pas les fesses, ben, dans la Ligue nationale, tu fais pas les séries. Ouais. Guy Boucher qui disait ça, puis d'ailleurs, cette année, il se retrouve dans une situation où, encore une fois, il est pas capable d'avoir un gardien de but qui donne ça. Il disait en entrevue, je vise pas à avoir un gardien de but qui fait 930 d'arrêt. Mon plan de match, là, si tu me donnes 910, 915, on va être capable de gagner la majorité des matchs. On va être capable de se rendre en playoff. Puis cette année, il n'y a pas ça. Ben, cette année, chez les Oilers, les gardiens de but ne donnent pas ça. Donnent pas 910, 915 de pourcentage d'arrêt. Tu peux pas compenser autant aussi peu d'efficacité chez un gardien de but. Ah non, tu peux juste pas. Tu peux juste pas, tu sais, c'est que ça fait toute la différence. Puis on le voit, là, tu sais, on l'a vu justement à Montréal, on le voit avec Edmonton. Tu sais, depuis que Carey est revenu, là, Carey, il est dans sa game. Puis là, whoops, là, une petite séquence de victoire. C'est ça, tu sais, un gardien peut te voler des matchs. Et un bon gardien peut t'en voler plusieurs en ligne. Mm-hmm. Tu sais, la comparaison est tellement bonne entre Talbot et Price cette année que jusqu'à maintenant, Talbot en a joué 22, pourcentage d'efficacité de 900 et la moyenne de buts alloués par match est à 3. Puis Price, en 17 games, il est à 900, moyenne de buts par match à 3. Fait que c'est dire comment est-ce que les deux ont vécu à peu près les mêmes choses. Là, il est-tu revenu au jeu, Talbot? Non, il n'est pas revenu encore. OK. Mais est-ce qu'on sait si c'est vraiment une blessure ou c'est un repos déguisé comme on a fait un peu avec Price? Écoute, je sais pas trop parce que moi, je n'embarque pas dans toutes ces histoires de rumeurs-là puis rien. Moi, quand le club me dit que le joueur est blessé, je me dis qu'au prix qu'il paye, si le gars peut jouer, ils vont le faire jouer. OK. Fait que c'est une réponse plate, mais je peux pas vraiment te le dire. J'ai pas plus fouillé qu'il faut. Mais je pense que c'est peut-être pas une... En fait, c'est très similaire encore là à Carey. Je pense pas que c'était une blessure sérieuse. Je pense que c'est quelque chose qui l'indispose juste assez pour faire la différence, là, justement. Là. Mm-hmm. C'est que le gros arrêt qu'il va faire en temps normal, ben là, il rentre. Puis, je vais même étirer la discussion. Là. Nonobstant la position où est-ce qu'ils sont en ce moment, est-ce que tu penses qu'un Cam Talbot, c'est suffisant comme qualité de gardien de but pour donner une chance aux Oilers d'aller chercher une coupe éventuellement? Ben, on mise-tu sur le bon cheval? Ben écoute, moi, ce que je dis toujours, c'est... Corey Crawford en a gagné des Coupes Stanley. Glenn Fuhr a gagné des Coupes. Oui, c'est ça. Antti Niemi en a gagné. C'est pas toujours... Puis on en a parlé lors du dernier show, justement, que c'est pas nécessairement... C'était un de tes arguments, justement, que c'est pas toujours le meilleur gardien qui te fait gagner la Coupe. Est-ce que Talbot est assez bon? Oui, Talbot est assez bon. Je pense qu'il l'a prouvé l'année dernière. Mais il faut que... Il faut qu'il fasse les arrêts, mais il faut aussi que sa défensive soit plus hermétique qu'elle l'est là. T'sais, puis l'année dernière, une des grosses différences qu'il y avait l'année dernière et cette année, c'est que Talbot faisait le premier arrêt, puis les défenseurs sortaient à rondelle vite. Mm-hmm. Et ça, cette année, on le voit pas là. Les Nurse, les Clefbaum, Larson sont plus les premiers sur les rebonds. Puis c'est des détails qu'on va dire, mais c'est ce qui fait la différence en bout de ligne. Là. Surtout quand ton gardien t'offre des performances subpar, là, en dessous de la moyenne, c'est sûr que c'est quelque chose qui va jouer. Oui. Je regarde l'alignement des Oilers, puis tu sais, en dehors de Talbot, en défensive, t'as Sequeira qui est 31 ans, qui a encore 4 ans de contrat. T'as Clefbaum qu'on a parlé, Larson, Russell, Davidson qui est de retour, mais mettons-le pas dans l'équation parce qu'il n'a pas été là depuis le début de la saison. T'sais, il est avec Montréal. Ouais. Benning, Graba, Nurse, puis Ovitu. En tout cas, je ne suis même pas sûr de comment est-ce qu'on dit son nom. Et on s'entend-tu que c'est pas ça, là. Tu sais, quand tu parles d'une défensive de championnat, c'est pas ça, là. Tu sais, t'as Clef Baum, Larson potentiellement et Nurse qui peuvent vivoter aux alentours d'un top 3 potentiel, mais après ça, là. Ouais, ben, bizarrement, on dirait que ce qui fait le plus mal cette année, c'est la blessure de Sequeira. La blessure de Sequeira, on dirait que, tu sais, un peu comme, pour encore faire des... Je fais souvent des parallèles avec le Canadien parce que je sais que la majorité de nos auditeurs regardent surtout des matchs du Canadien. Donc, je fais des parallèles avec le Canadien, mais tu sais, et moi, le premier, Alexis Emeline, je l'aimais pas parce que c'était un salaud, tu sais. C'est un jaune, comme que j'appelle. Mais un gars comme Emeline, sa perte cette année se fait sentir quand même. Et Sequeira a un peu cet effet-là. Tu sais, c'est un gars qui est là pour calmer les jeunes parce qu'on oublie que Nurse, Larson et Clef Baum, c'est tous des gars en bas de 25 ans. Là. Mm-hmm. C'est jeune, là. Oui. Tu sais, que tes trois premiers défenseurs soient des gars en bas de 25 ans, c'est là que je pense que l'apport de Sequeira a manqué pas mal depuis le début de l'année avec sa blessure. Ça l'explique pas tout, là, mais c'est plusieurs petits facteurs qui fait que ça marche pas comme ça marchait l'année passée. T'sais. Moi, je dis souvent, peut-être ça va sonner comme sauter du coq à l'âne, je dis souvent que la game se gagne au septième étage. C'est pas ça à glace que ça se passe. C'est pas là où est-ce que t'as le plus gros t'as le gros bout du bâton. C'est pas là que la plus grosse influence se passe. Oui, il y a un certain pourcentage que faut que les planètes s'alignent au bon moment, mais pour moi, ceux qui ont la plus grosse influence, c'est les dudes avec les vestons cravates qui dessinent les alignements. Et je l'ai dit souvent, là, moi, Peter Chiarelli, là, je suis loin d'être un fan. Pour moi, c'est l'idiot du village. Et il en a fait des transactions qui sont plus que douteuses. Et, ben, écoute, puis, tu sais, ça, on se rejoint parce que Chiarelli, je suis pas son plus grand fan. Tu sais, il prend tout le crédit de la Coupe Stanley à Boston. Mais il est arrivé là, il y avait déjà un noyau. Ah oui, et puis il l'a laissé pourrir, ce noyau-là. C'est ça. Il a scrappé son noyau, il a donné des contrats de marbre, il a fait des mauvais échanges. Puis là, quand ça allait pas bien, il est parti. Puis là, c'est comme, il y a les Oilers, puis ça commence à bien aller. Mais aller là, ça va être les prochains contenders. Tu sais, moi, je vois ça un petit peu de même, là. Tu sais, c'est le gars qui est à bonne place, au bon temps. Tu sais, c'est un opportuniste, là. Mm-hmm. Parce que, tu sais, on va dire les vraies choses, là, ce gars-là a tradé les deux premiers choix du draft de, c'est quoi, 2009, 2010, le draft de Tyler Seguin et Taylor Hall. Oui, il les a échangés, numéro 1, numéro 2. Hein, il les a échangés, les deux. Mais il a tradé ces deux gars-là contre Larson, Sandal, Gugun, genre. Oui. C'est écoute, à peu près ça. Je relate. Y a-tu du monde qui se rappelle vraiment de qui Boston a reçu dans cet échange-là? Écoute... Il n'y en a plus un qui est à Boston. Non, c'est ça. C'est, ça a tout été des busts. Mm-hmm. Tu sais, il a échangé... Tu sais, puis Tyler Seguin, on va s'entendre, là. Il est dans le top 10 des meilleurs centres de toute la ligue. Puis... À Montréal, il jouerait peut-être à l'aile. Fort probablement. Puis peut-être, tu sais... Puis... On l'emploierait peut-être avec ce bon vieux Tomash pour essayer de le relancer. Non, mais pour vrai, c'est ça. Moi, je suis pas un fan de Chiarelli, puis on le voit, là, il a fait des gros moves depuis qu'il est arrivé. Moi, là, il y a trois transactions particulièrement, puis c'est trois transactions majeures qui ont coulé la formation des Oilers pour moi, là, 3 deals, OK? Ryan Strome contre Jordan Eberle. Jusqu'à maintenant, là, c'est un one-way unidimensionnel pour les Islanders. C'est eux autres qui ont le gros gain de la patente. Ensuite, Taylor Hall contre Adam Larson. Adam Larson n'a jamais joué à la hauteur d'un top 2, voire top 1. Parce que quand tu échanges ton premier centre de ta formation, j'espère bien que ce que tu vas avoir en retour, c'est l'équivalent dans la position que tu as besoin. Et ensuite, une des transactions qui fait très mal, c'est Reinhardt qu'on a été chercher en retour du 16e choix au total et du 33e pick. Donc, un choix de première ronde et de deuxième ronde des Oilers en 2015. Ce gars-là s'accroche même pas encore à la Ligue nationale. Tu me fais du mal. Ben, je le sais, mais c'est... quand je dis que c'est là... Ça, c'est la pire. Oui, puis quand je dis que c'est là que ça se gagne, les coupes, que c'est là que les championnats se dessinent, Peter Chiarelli, c'est pour moi, c'est l'idiot du village. Oh, ouais. Tu sais, l'échange de Hall contre Larson, Hall, il y avait quelque chose qui fonctionnait pas avec ce gars-là. C'est comme entre les deux oreilles. Besoin pour supplément, je peux le comprendre. Mais magasine-les, Taylor Hall. Et c'est exactement là, tu sais. Cet échange-là est arrivé la même journée que l'échange de Piquet-Souban. J'aurais aimé ça, voir ça aurait été quoi l'offre de Marc Bergevin qui se cherchait un winger comme ça. Je suis pas prêt à dire qu'il aurait donné Souban, aucunement. Mais est-ce que si Marc Bergevin ajoute quelque... est-ce que si les Oilers ajoutent quelque chose, que là, on parle pas de Souban à la place d'Adam Larson? Ça, c'est possible aussi, mais là, c'est des spéculations. Cet échange-là, je suis capable de vivre avec. Celle de Jordan Eberle. Moi, Jordan Eberle, encore là, je fais un parallèle. J'ai jamais été un fan de Jordan Eberle. Jordan Eberle, pour moi, c'était le Max Pacioretty des Oilers. Jordan Eberle finissait toujours avec 30 buts, mais il allait marquer le 5e puis 6e but dans une victoire de 6-1. OK, ouais, je vois le parallèle. C'est, ouais. Tu sais, qui finissait l'année avec 6-7 buts dans les filets déserts. Puis là, oups, aussitôt que ça compte, ben là, il n'est pas là. Là. Mm-hmm. Tu sais, puis si ça brasse un peu, il disparaît complètement. Et pourtant, Junior, il a tellement été important pour Team Canada. Ben tellement, ben oui, écoute, on se rappelle tous de Jordan Eberle en shootout. C'était, pas 4 buts en shootout ou un affaire de même? Oui, oui, oui. Écoute, c'est de quoi d'incroyable? Il y a des solides mains, là. Tu sais, il y a des... ça reste un meilleur joueur que Max Pacioretty. Tu sais, Max Pacioretty, c'est un... Oh boy, je suis pas d'accord là-dessus, mais... Max Pacioretty, pour moi, c'est tout un lancé. Mais... Mais c'est parce que. Il n'y a pas nécessairement les meilleures mains. Tandis ouais, que mais. Jordan Eberle a des meilleures mains, il a peut-être un moins bon lancer, mais il a un lancer quand même efficace. Mais c'est parce que tu prends juste en compte l'élément offensif. Max Pacioretty, à bon grand âme, là. Il joue bien sans la rondelle. Oui, mais il joue bien défensivement. C'est un gars qui est très responsable. On le fait jouer en penalty kill. Écoute, moi, je te dirais, laisse faire le tuage de pénalité. Mets tous tes œufs avec ce genre de gars-là en attaque. Je trouve pas que c'est l'utilisation optimal pour un talent à la Max Pacioretty, mais au moins il y a une fonction que Eberle n'est pas capable de remplir. Ouais, en tout cas. Moi, je suis vraiment pas un fan de... oui, je vois ça, là. Je suis pas un fan de ni un ni l'autre, mais je pense que tu me donnes le choix entre Pacioretty et Eberle. Je pense que je prends Eberle parce que Pacioretty, pour moi, c'est vraiment un lâche. Là. C'est, et je ne suis pas d'accord avec toi sur sa couverture défensive. Trop souvent, là, on le voit, là, il se laisse glisser en arrière de son joueur. T'sais, il n'y a pas ce deuxième mais effort-là. Mais Jordan Eberle ne l'a pas plus. Là, Jordan Eberle, il est un peu lâche aussi. Là, mais c'est ça. Ça reste un échange. Mais encore là... Et ça, c'est un problème qu'il y a à Edmonton et qu'il y a à Montréal, on dirait. On dirait que le GM fait des échanges sans parler à son coach. Oui. Tu sais? Oui, c'est ça. Strome, là, ses 10-12 premières games, là, il jouait sa troisième ligne, là. On lui a pas donné les chances de se faire valoir, ça c'est sûr. Explique-moi pourquoi tu vas chercher Ryan Strome pour le calisser sur ta troisième ligne, puis même pas le faire jouer au centre. Puis en échange d'un gars qui, lui, jouait sur tes deux premières, inévitablement, là. C'est ça. Moi, j'ai fait comme, OK, tu sais, Ryan Strome, ça. Chris, c'est peut-être le genre d'ailier que ça va prendre à... Tu sais, moi, quand ils ont été chercher Strome, justement, j'ai fait comme, OK, Edmonton est capable de maintenant séparer Draisaitl et McDavid, pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et tu vas faire jouer Strome avec McDavid et Pat Maroon. Et tu vas être capable de faire jouer Draisaitl avec RNH. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Il s'est ramassé sa troisième ligne. Puis bref, tu sais, ça reste que c'est encore un jeune joueur aussi. Tu sais, parce qu'il y a eu il y a quand même eu des bonnes saisons, là. Ces deux dernières saisons, j'ai pas regardé les stats, mais ça frôlait le 20 buts, là. Ryan Strome, là, c'était en 15 et 20 buts, là. M'a dire ça. Donne-moi une seconde. L'an passé, avec les Islanders, 30 points, 13 buts, 17 passes en 69 games. Puis la saison d'avant, 28 points. En 71 games, 8 buts, 20 passes, 28 points. L'année d'avant, par contre, 17 buts, 33 passes, 50 points. Fait qu'il y a eu une très bonne saison, une saison plus ordinaire. Puis l'an passé, on sentait le remontage de côte un peu. Là. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est un gars que, tu sais, techniquement, 15-20 buts par année. Ouais, mais je comprends la transaction du côté des Islanders, je la comprends parfaitement. Elle s'explique là d'un bout à l'autre. T'as un joueur qui est énigmatique, 5e choix total, 24 ans. On te propose de ramasser Burley qui a un contrat déjà béton à 6 millions pour encore une coupe de saison. T'as pas besoin de le renégocier. Tu te donnes une chance qu'il puisse produire avec Tavares et de re-signer, d'avoir un argument pour re-signer Tavares et la vie est belle. Du côté des Islanders, écoute, tu te fais proposer ça, tu sautes dessus comme comme la maladie sur le pauvre monde, là, tu sais. Par contre, du côté des Oilers, dans la Ligue nationale, en fait, n'importe où, là, tu dois toujours, selon moi, là, tu fais tes échanges en prenant tes suppléments pour aller chercher ce qui te manque. Et clairement, on le disait tantôt, tu as besoin de défensive. Si Eberle, tu l'échanges pour autre chose qu'un défenseur, tu n'as pas fait ta job. Tu ne l'as pas échangé pour la bonne chose. C'est d'ailleurs ce qui fait mal aux Canadiens de Montréal. À toutes les fois qu'ils font une transaction, ils échangent un élément qui a de l'allure d'une place pour aller chercher un élément qui a de l'allure à une autre place. Fait qu'il n'y a pas plus de talent au lieu de prendre ce qu'on a en supplément. Puis qu'il n'y en a pas tant que ça à Montréal, des suppléments. En fait, il n'y en a pas. Pour aller combler tes faiblesses. Les Oilers ont cet avantage-là. Ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques. Pas de défensive. Va chercher de la défensive, tu sais. Fait que je la comprends pas, la transaction du côté des Oilers, à part diminuer l'impact sur la masse salariale que Eberle prenait versus que Strome prend. Là. C'est la seule raison, mais à part ça, ça marche pas. C'est exactement là que je m'en allais. J'allais te dire, tu sais, si on se met au niveau de Peter Chiarelli, donc on enlève notre cerveau, puis on jase de hockey. c'est la seule chose qui peut expliquer ça, cet échange-là, c'est un move comptable. On a gagné des années de salaire, mais tu sais, maintenant, là. C'est ça. On a gagné du salaire. Pourquoi? Pour pallier à des contrats ridicules comme celui que Edmonton a donné à mon gros singe, à Lucic. c'est un contrat ridicule. Ça, on va y arriver parce que c'est un pan complet de, pour moi, ce qui fonctionne pas chez les Oilers. et moi donc. Mais restons sur Strome et Burley pour l'instant. C'est 2,5 millions cette année et il devient RFA à la fin de la saison. Donc, va être à renégocier. Mais avec les chiffres qu'il présente, ça ne sera pas une très, très grosse augmentation. S'il y en a une, probablement un contrat de 2 ans, autour de 3 millions, puis on va être pas mal bon. Là. C'est ça. T'sais, moi, je pense qu'on est allé le chercher en se disant, tu sais, c'est un gars qui est capable de nous en donner peut-être 20, une quarantaine de points. Et on sauve 3 millions sans masse pour 10 buts de moins par année. Tu sais, j'essaie de... comme je te dis, j'essaie de la comprendre. Au début, quand c'est arrivé, je trouvais pas que c'est un mauvais move. Et je trouve encore pas que c'est un mauvais move. Par contre, utilisez-les comme four, Strom, Calvert. C'est tout ce que je demande. Donnez-y une vraie chance. Là. Ça, c'est une grosse partie de l'équation. Donnez-y une dizaine de games avec Draisaitl ou avec McDavid. Pas 6 périodes. 6, 7, 8, 10 games. Là. T'sais, anyways, où est-ce qu'on est là au classement? Tu peux juste remonter. Ben, c'est ça. T'sais, puis si tu vois que ça ne marche pas du tout, ben tant pis. Puis là, tu go all in for Dallin. Mm-hmm. Puis ça serait la meilleure chose pour eux autres, pour une fois que le premier choix total est un défenseur. À part Murray, l'année de Yakupov, mais ça, il y avait place à débat. Oui. Mais, en tout cas, j'en ai glissé mot tantôt. Pour moi, un des pans complets de ce qui ne fonctionne pas avec les Oilers, c'est représenté par Lucic, mais ce n'est pas que Lucic. C'est la fameuse mentalité de Cherry Lee, des Big Bad Bruin encore. D'avoir l'impression que ça lui prend donc ben des hommes forts dans un alignement. Cette formation-là, l'an passé, était basée l'attaque 100% sur la vitesse. La Ligue nationale, les dirigeants disent, à partir de maintenant, le standard dans la Ligue nationale, c'est McDavid en termes de vitesse. Si t'es pas capable de patiner aussi vite que lui, tu seras pas capable de rien faire. Tu pourras pas le contrer, tu pourras pas... c'est rendu ça le standard. Et l'équipe qui a établi le standard, les Oilers, se mettent eux-mêmes dans les pattes des gars qui ont pas cet élément-là comme étant leur force, la vitesse. J'inclus là-dedans un Mike Camilleri qui avance plus, qui est quand même un sniper, qui est un gars de finesse, mais qui est dans ce problème-là. Je mets Lucic qui avance pas pour le signer pour jusqu'en 2022-2023 à 6 millions par saison, ça n'a pas de Christy de bon sens. Et tous les clubs dans la Ligue nationale courent après lui, puis c'est les Oilers qui l'ont ramassé, c'est probablement la pire chose qui leur soit arrivée. Fallait pas qu'il le ramasse. Après ça, t'es qu'il est jeune, au moins il patine plus vite, mais ça reste que c'est un gars qui a pas de main. Ensuite, t'as Maroon et t'as Kagegula. Je suis encore dans une ligue de hockey simulée. Il y a un gars qui ne rêvait que pour lui parce qu'il disait il va jouer avec McDavid. Il n'est pas capable de suivre. Ça donne quoi d'avoir l'élément le plus rapide de la Ligue nationale s'il n'est pas né pour jouer tout seul sur sa ligne parce que les autres sont pas capables de suivre? Ben, c'est exactement ça. Puis dans ce que tu dis, il y a juste une place où est-ce que je serais pas en accord avec toi quand tu parles de même de l'année passée que les Oilers ont établi le standard pour la vitesse et tout là. Je sais que c'est tout ce que c'est ça que les experts disent, mais c'est totalement faux. Cette équipe-là allait vite quand McDavid et Draisaitl étaient sur la glace. Là, tout le monde était ses talons puis ça roulait en crise. Mais le restant de cette équipe-là. Si t'es capable de gagner avec deux trios qui génèrent ton attaque, j'ai pas de problème avec ça. Mais en ce moment, on leur impose d'avoir un gars sur une des ailes qui est trop lent. Parce que l'alignement est plein de gars lents pour pouvoir potentiellement, là, entre guillemets, aller les protéger en cas de besoin. Mais c'est plus une ligue de matamor, là. Des combats, je pense que Canadien, il y en a eu 3 depuis le début de la saison. On est rendu une vingtaine de games, là. C'est pas une grosse patente, là, les combats. Là. Non, ça c'est sûr et certain, mais c'est sûr que, qu'on le veuille ou non, le fait d'avoir Maroon et Lucic dans ton alignement, je parle surtout de ces deux-là, là, parce que c'est les gars qui jouent sur les deux premiers trios, qui sont appelés à jouer avec Connor McDavid. Le fait que tu aies à affronter ces deux gars-là, tu vas y penser à deux fois avant de faire des coups de cochon à McDavid parce que tu sais que tu vas en manger une sale le prochain chiffre. Et je me rappelle de l'année passée, la première game des Oilers contre Calgary. Les gens qui suivent le hockey savent que Edmonton-Calgary, c'est similaire à Canadiens nordiques, Canadiens Boston. J'ai vu passer un texte la semaine dernière sur cette bataille-là de l'Alberta. Puis il y a un ancien joueur, malheureusement, je ne me rappelle pas le nom, qui dit « C'était tellement intense, je suis étonné qu'il n'y en ait pas un qui est mort sur la glace. » Ah oui, oui, écoute, c'est pas joli, là. Tu sais, c'est ça frappe dur. Tu sais, tu vois que les équipes saillissent, là. Pareil comme les bonnes années de Canadiens Bruins et de Montréal-Québec, c'était la même chose, là. Tu sais, tu le vois, là. Historiquement, c'est deux clubs qui saillissent. Tu sais, puis là, c'est deux clubs qui sont en train de remonter les deux aussi. Il y a bien des jeunes coqs. Et la mentalité reste pareille. Mais la première game l'année passée, je me rappelle pas c'est qui. Il va chercher McDavid dans le coin, mais le coude un peu haut. Tu sais, c'était border. C'était pas salaud, mais c'était très border. Tout de suite, Pat Maroon est allé le voir. Le gars s'est sauvé au banc. Aussitôt qu'il a rembarqué son prochain chiffre, Lucic est embarqué, a droppé, pif, paf, fini. Puis personne qui a touché à McDavid après. Ouais, mais t'en as-tu besoin de trois? Parce que moi, j'en vois trois, là. Cajun, Maroon, puis Lucic, minimalement, là. Puis je mets même pas Kegigula là-dedans, qui lui aussi est dans ce moule-là. T'en as-tu besoin de quatre? T'as besoin d'un par ligne? T'as un McDavid? Oh oui. Puis je te ferai remarquer que dans la Ligue nationale, là, cette saison, les coups salauds, Thornton le fait un cette semaine. T'as Kachuk qui en a fait un. Puis t'as Marchand qui est toujours à risque. C'est à part Kachuk qui a encore des choses à prouver, les deux autres, c'est des vedettes dans la Ligue nationale. Là. C'est des gars qui sont capables de jouer. Si tu veux les contrer, il faut que tu aies des gars qui sont capables de jouer. Et malheureusement, écoute, Cajun, Maroon, Lucic, puis Kegigula sont pas là, en termes de performance. Là. Mais Zach Cajun, parce que t'en parles, premièrement, je veux dire merci à Marc Bergevin. Parce ouais. que moi, Zach Cajun, je l'aime bien, OK? Mais c'est quand le plus rapide du groupe, soit dit en passant. Là. Oui, quand il est bien employé sur une troisième ou une quatrième ligne pour tuer des punitions et tout, c'est la définition même d'un joueur d'énergie. C'est un gars qui se donne à 100 000 à l'heure, il a le cœur gros comme l'aréna. C'est un bon coéquipier. Les gars l'apprécient vraiment. Est-ce que c'est parce qu'il y a la meilleure peau dans la ville? Ça se peut aussi, là, mais tu sais, ça reste que... Il est meilleur contact, mettons. C'est ça. Mais ça reste que Zach Cashin. Moi, je deal avec Zach Cashin parce qu'en plus, il n'y a pas un contrat qui est trop lourd. Un peu comme Pat Maroon, que le contrat n'est pas trop lourd. Lucic, c'est complètement autre chose. Juste pour donner les chiffres, là, Cajun, c'est 1,9 pour les trois prochaines saisons. Là, par saison, 1,950 000. Et Maroon, c'est 1,5 pour cette année. Tombe UFA, mais on s'entend qu'il n'ira pas chercher un gros prix. C'est vraiment Lucic là, qui vient débalancer. Actuellement, il est le deuxième salarié en attaque. Il est à 6 millions. Ça n'a pas de bon sens. Oui, non, ça n'a tout simplement pas d'allure. Ça, je suis d'accord avec toi. J'ai décrit, parce que j'ai toujours détesté Lucic. J'ai jamais aimé ce gars-là. Puis, c'est pas parce qu'il joue pour mon équipe que je vais me mettre à l'aimer. Là. Non, j'aimerais jamais ce gars-là. Puis, je pense qu'il me fait encore plus chier dans mon équipe à ne rien faire puis à être payé 6 millions par année. Chris, ça me fait penser à quelqu'un, ça, rien faire, payer 6 millions par année. Il est-tu bon sans la rondelle? Moyen. Puis il porte pas de col roulé. Non, OK. Bon. Tu vois, c'est pas la même affaire. C'est le même argent, par exemple. C'est le même argent, mais il n'y a pas de col roulé puis il n'y a pas de pinch. D'ailleurs, on parle de contrat depuis tantôt. Là. François Gagnon parlait aujourd'hui. Il était à la rencontre des directeurs généraux, le comité exécutif. Non, pas les directeurs généraux, les propriétaires, mais le comité exécutif de la Ligue nationale. Et confirmation de la vente des Hurricanes en partie. Là, je pense que c'est comme 52% aux nouvelles Dundon. Son ouais. nom est weird en anglais. Là. Mais surtout, c'est que les prévisions pour le prochain plafond salarial seraient à 80 millions de dollars. Donc, un bond de 5 millions. Ce serait la plus grosse augmentation depuis presque les débuts de la nouvelle convention collective. Ce qui fait en sorte que le contrat de McDavid, tout d'un coup, est moins chiant sur le plafond. Parce qu'on s'entend que actuellement, je pense que c'est 13% qui va prendre sur le plafond. Oui, c'est 13 ou 14 qui était supposé de prendre là, avec avec qu'est-ce que avec le salon voyons avec le plafond salarial actuel. Non, c'est 16.67, mais tu sais 16.67. On parle de ça. 75 millions, c'est 80, le pourcentage baisse donc c'est le timing est écœurant pour les Oilers, ça va les sauver, mais ça va sauver les Maple Leafs aussi qui vont avoir Austin à signer. Tout à fait. Parce que ça me surprendrait que Matthews va accepter moins que McDavid. Mais ça va même être proche. Même sans Trophy Hart, puis sans Hartross, puis rien, là. Ça me surprendrait que ce serait moins. Ici, c'est moins. Il n'y aura même pas une différence d'un million par année, selon moi. Ouais, je pense pas. Cette semaine, j'entendais mon cher ami Martin Lemay à On Jase parler à nouveau contre la reconstruction, contre le fait de tanker et d'effectuer une reconstruction. Et il signalait, puis disons que les apparences lui donnent raison, que regardez, les Oilers, ça marche pas encore. C'est le pire club de la Ligue nationale avec les Sabres de Buffalo et les Coyotes de l'Arizona. Ce que j'ai le goût qu'on jase ensemble, Sylvain, c'est pour toi, est-ce que il y a quelqu'un, qui a scrappé le processus de reconstruction chez les Oilers? Est-ce qu'on a suivi ce qu'il fallait suivre comme démarche pour aller dans la bonne direction? Moi, j'ai pas l'impression, mais je vais te laisser partir. Bien, moi, on en a discuté souvent. Toi, tu es un avide défenseur du tankage. Moi, je suis pas totalement contre. Le seul bémol que j'ai, c'est OK, on va tanker, j'ai pas de problème avec ça. Mais qui est-ce que tu as en place? Si tu as des cabochons qui sont pas capables de faire confiance à tes jeunes, puis qui vont te scraper tes jeunes, ne tanque pas pour rien. Non, c'est ça. Parce que ça te donnera absolument rien. Tu sais, tu vas repêcher ces jeunes-là, tu vas mal les utiliser, puis tu vas les trader contre 4 douzaines de bâtons, puis tu vas avoir l'air d'un imbécile quand l'autre va éclore ailleurs. Donc, ça dépend beaucoup de ça. Si tu as le bon staff en place, et même si je n'y croyais pas parce qu'on a parlé des Maple Leafs un petit peu, puis je pense que c'est le meilleur exemple. Ben, c'est la seule fois dans la Ligue nationale qu'un club qui l'a vraiment fait. Darcy Regier, à l'époque, a commencé un processus de tankage avec les Sabres de Buffalo et il a été congédié, fait qu'il n'a pas pu le mener à bien. Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien que les Sabres, ça va pas bien. Ils ont fait un shortcut. Fait qu'on en reparlera un jour sur le show avec un fan des Sabres, mais moi j'ai un peu l'impression que les Oilers, c'est ça aussi. C'est que l'an passé, au 1er juillet, là, pas celui qui vient de passer, mais l'autre d'avant, quand on a signé Lucic, on a signé l'arrêt de mort de la progression de la formation. On a voulu aller trop vite. Et t'as tout à fait raison, parce que, tu sais, tous ces beaux jeunes-là, là, les McDavid puis les Draisaitl, il fallait les re-signer. Puis ça coûte cher, ça. Là. Fait que en prenant des shortcuts, tu sais, si tu crois que c'est ton année pour y aller, je peux dealer avec ce shortcut-là. Si tu juges que okay, c'est le morceau qui me manque, je vais y aller all-in, vas-y. Mais le timing était dégueulasse pour les Oilers. Il n'était pas là, du tout. Non, c'est ça. Il n'y avait pas ce besoin-là d'aller chercher le gros singe et de lui donner le genre d'argent qu'il a eu. Ça n'a pas d'allure. T'sais. Moi, être fan du Canadien, je remercierais les Oilers à chaque jour parce que on oublie qu'à la fin, le choix s'est pas mal fait entre Montréal et Edmonton pour la signature du gros singe. Puis malheureusement pour moi et bien heureusement pour le fan du Canadien, il a choisi les Oilers. Mais non, c'est ça. Le timing était dégueulasse. Tu sais, mais c'est ça. C'est que, tu sais, puis tu parlais des Sabres. Les Sabres ont tanké l'année de McDavid. Mais avec le fait que c'est une loterie, tu sais, si les Sabres tankent cette année-là, puis qu'ils se ramassent avec McDavid au lieu de Jack Eichel, puis que là, c'est Edmonton qui a Jack Eichel, c'est plus la même game, là. Ben, je pense pas que les Oilers auraient été vraiment moins bons avec Eichel. Vu la structure de la formation. Est-ce que les Sabres auraient été supérieurs avec McDavid? Oui, clairement. Moi, je te parle de où est-ce que le club était à ce moment-là. L'un ou l'autre aurait été un bon fit. Mais pour les Sabres, pour sauver la concession, pour pouvoir traîner le club à lui tout seul, McDavid était un vraiment meilleur choix que Eichel, même si Eichel est très bon. Oui. Tout à fait, mais c'est pas la même chose. C'est le niveau de talent, disons que, tu sais, si on parle attaque pour attaque, au moment de ce repêchage-là, l'attaque des Oilers était pas mal moins mal nantie que celle des Sabres. Fait que le bénéfice était moins important de ce côté-là, tu sais. Ouais, ça, je suis d'accord avec toi. Mais, bref, ta question, c'était sur le tankage. Ben, écoute, ben, c'est pas même pas ça. Ben, dans le cas des Oilers, c'est pas un tankage parce que ils ont été en dehors des séries pendant 10 ans. Ils n'ont pas choisi de mettre à la porte des éléments de qualité pour des visées futures. Ils n'ont pas vendu des éléments. Fait que c'est pas du tankage. Moi, c'est le processus de construction de l'équipe qui, selon moi, a été charcuté par l'avidité, disons ça comme ça, de Peter Chiarelli d'atteindre le succès trop rapidement. Il a fait des moves qui n'étaient pas nécessaires. Est-ce que les Oilers d'Edmonton aujourd'hui seraient meilleurs avec Taylor Hall dans l'équipe à la place de Lucic pour 6 millions? Pense que oui, tu sais. Ouais, ça, c'est discutable parce que. Écoute, tout le monde n'était pas dans la chambre, mais Hall, ça ne marche pas entre ses deux oreilles. Puis on le voit, là, c'est pas un succès quand même avec les Devils. C'est une drôle de bibitte, Taylor Hall. Taylor Hall, c'est une drôle de bibitte. Mais il était trop la vedette. T'sais, on y avait trop tout donné dans le bec. Mais on s'entend, cette année, il y a plus d'un point par match. Oui, mais... Écoute, mais je sais pas... C'est juste que ça marchait pas. Ça marchait plus avec les Oilers. Je sais pas comment le dire, là, mais... C'est ça. Si ça fonctionnait pas, fallait passer à autre chose. C'est un électrochoc. Ce qu'on a voulu faire, c'est un électrochoc. Et ça, je peux comprendre, tu sais. On a été chercher un défenseur, même si c'est pas le meilleur défenseur, même si c'est pas de la qualité de ce qu'ils ont donné, au moins, ils ont donné un supplément pour un besoin. Ça, tu sais, le deal, tant qu'à moi, je suis encore correct. Là, on a parlé. C'était... À ce moment-là, pour les Oilers, c'était une bonne décision d'utiliser cet effectif-là pour aller chercher quelque chose qu'on a de besoin. Par contre, si l'objectif, c'est de couper du salaire, le 6 millions que tu donnais à Hall, ben, il est mieux investi, tant qu'à moi, dans le talent de Hall que dans ce que Lucic peut amener à la formation. Oui, t'as probablement raison, mais... Sais-tu, moi j'ai une théorie que, dans le fond, puis là, on va saluer encore mon chum Sam Laberge, qui est fan des Blue Jackets de Columbus. Moi, je vais blâmer les Blue Jackets de Columbus pour ces moves-là. Parce que... Ils ne sont pas dans le portrait. Qu'est-ce qui se passe? Attends un peu. Si les Blue Jackets de Columbus suivent la liste du draft et prennent Jesse Puljujärvi au lieu de prendre Pierre-Luc Dubois, je suis pas mal convaincu que les Oilers échangent leur choix contre fort probablement un défenseur, trade down pour aller choisir aux alentours peut-être de la 20e place ou quelque chose de gentil, puis aller chercher un défenseur qui est capable de jouer NHL là. Puis à ce moment-là, tu n'as plus nécessairement besoin de trader Taylor Hall ou tu trades Taylor Hall pour combler un vrai besoin. Fait que je blâme les Blue Jackets de Columbus. Toute la faute aux Blue Jackets. Ouais, les Blue Jackets. J'aime ça. Non, mais c'est ça. Mais tu sais... Puis le pire, c'est qu'il y en avait des bons défenseurs. Tu sais, 9e rang, t'avais Sergachev qui était là. T'as McAvoy qui était au 14e. L'Arizona avec Chychrun qui est un excellent défenseur au 16e rang. Même plus loin, si je me trompe pas, tu sais, attends, faut que je trouve... Samuel Girard, ouais, c'est ça, c'est lui que je cherchais en deuxième ronde, qui était un talent super intéressant. Tu sais, même si tu descendais, ça aurait été un bon fit pour la formation des Oilers pour pouvoir aller chercher un défenseur. Totalement, parce que à partir du moment où est-ce que Kirkelainen, qui est un Finlandais, ne draft pas Jesse Puljujärvi, qui est aussi un Finlandais. Tu fais comme, OK, ouais, là, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, nous autres, là. Il y a de quoi qui se passe. On est-tu en train de s'en faire passer une petite bite? Ça aurait dû sonner une cloche, faire comme, hey, on trade down pareil. Mais il n'y a personne qui a allumé cette cloche-là. Je pense que tout le monde a fait comme, ben voyons donc. Puis même moi, le premier, assis dans mon salon ici, quand les Blue Jackets ont annoncé qu'ils sélectionnaient Pierre-Luc Dubois, j'ai fait comme, ben voyons donc. J'en revenais juste pas, tu sais. Ouais, mais le fait était quand même intéressant pour les Oilers. Tu sais, 6 et 4, c'est un marqueur naturel. Moi, je jette vraiment pas l'éponge là, pour Puljujärvi, là. Tu sais, c'est un très bon choix au 4e rang, là. Mais c'est un repêchage qui était tellement solide, là. Ah, ben oui, écoute. Tu sais, et on va s'entendre, là, que... Selon moi, de cette première ronde-là, il va en avoir dans 9 et 12, peut-être qu'ils vont avoir une carrière intéressante là, dans cette première ronde. Ce qui est un bon range de succès. Là. Tu sais, ça te dit que c'est une bonne première ronde là, parce que tu as des choix hâtifs justement qui vont avoir des belles carrières quand même. Là. Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que je sais pas si une des solutions, ça aurait pas dû être, même si, et je ne jette pas l'éponge pour Puljujärvi aussi, je sais pas, on dirait qu'il est comme pas capable de prendre la fraction de seconde, de s'adapter à la LNH, je sais pas trop ce qui se passe. Est-ce qu'il se met trop de pression pour jouer avec McDavid? J'ai aucune idée de ce qui se passe, tu sais, mais je ne jette pas l'éponge moi non plus avec Jesse Puljujärvi, mais je demeure convaincu que si les Oilers échangent leur choix pour se descendre au repêchage et pour aller se chercher un défenseur, ça change complètement toute la donne. Tu sais, le 4e choix pour, mettons, le 15e pour un 2e pick, ça fait du sens, là, mais il y a trop peu d'équipes qui font ça. C'est manœuvre assez courante dans la NFL, dans la NBA, mais au hockey, on est beaucoup trop conservateur. On fait pas fructifier les effectifs. On fait pas fructifier les avoirs. Malheureusement. Non, c'est un fait, tu sais, puis je sais pas si à ce moment-là même, tu sais, parce que les deux gros échanges n'avaient pas encore été faits, là, celle de Hall et celle de Subban, je sais pas encore là si tu calles pas le Canadien, tu fais comme, hey, moi, Piqué, j'aimerais ça l'avoir, je sais que t'as besoin d'un winger, puis mon 4e choix, je sais que tu l'aimes, là. Ben, on est-tu capable de s'arranger? Ouais. Je pense qu'il y a eu discussion, tu sais, dans la big picture, là, je pense qu'il y a eu discussion jusqu'à ce que, encore une fois, les Blue Jackets choisissent Dubois. Si Dubois avait été disponible au 4e rang, ça aurait pu être quelque chose de tangible de voir Oilers échanger le 4e au Canadien pour Subban et, tu sais, de monter une recette. Ça aurait pu faire du sens, mais... Ben non, mais Marc Bergevin a dit qu'il ne magasinait pas Piqué. T'es-tu en train de dire que Marc Bergevin t'a déjà menti? Ben voyons. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Homme de peu de fou. Mais je le sais bien. Aujourd'hui, l'entraîneur des Oilers, Todd McLellan, a tenu un entraînement punitif envers ses jeunes. C'est TSN qui rapporte ça. Vidéo à l'appui, le chiolage, le criage, la patente. Il a souhaité fouetter ses hommes. Mathias Brunet disait plus tôt cette semaine, là, tu sais, avec l'allure de la saison des Oilers, terminait son texte en disant il y a des têtes de hockey qui vont sauter, point d'interrogation, soulevait tout ça. Toi, as-tu peur pour le coach? Ben, j'ai pas peur pour le coach. Si vous avez une coupe de piastres en trop, je sais qu'il y a un pool sur mise au jeu pour le prochain coach à perdre sa job. Je mettrais un petit 2 sur McLellan. Ça se parle drôlement, puis ça me surprendrait pas que c'est lui qui va lever les pattes pour. Et pourtant, non! Sauver le cul à Cheryl. Moi, je. Ouais, un autre qui va se. Ouais, c'est ça. Qui congédie un coach pour se sauver les fesses. Mais non, faut pas. C'est un excellent entraîneur, mais entre les mains, il y a pas recette pour le succès non plus. On n'arrête pas d'en parler depuis tantôt, là. J'aime beaucoup McLellan, mais cette année, on dirait qu'il est un peu à court de solutions. Puis j'ai trouvé ça assez ordinaire qu'il se mette à planter tous ces jeunes sur la place publique. Là. Tu sais, quand il a ramassé McDavid là, 2-3 semaines, puis qu'on a appris après que McDavid jouait blessé puis qu'il a perdu comme 10-12 livres, parce qu'il était malade, il était pas blessé, mais puis que McLellan l'a ramassé, puis McLellan a ramassé Drysdale aussi, sa place publique, j'ai comme un problème avec ça, moi. Et encore là, c'est le easy way out de tu plantes tes jeunes, mais pas un mot sur la game sur ton gros singe qui se pogne le cul depuis le début de l'année. Tu sais, c'est tellement facile de blâmer tous les jeunes parce que les jeunes te feront pas de mutinerie pour te faire perdre ta chambre. Ouais. Tandis que les vétérans, tu sais, je trouve que c'est un peu un. Tu sais, je vais faire la comparaison là parce que la fenêtre est. Tu sais, Max Pacioretty marque pas. En avantage numérique. On l'a puni, entre guillemets, pendant genre 2-3 matchs. On l'a mis sa deuxième vague d'avantage numérique. Il n'a pas plus compté, mais on vient de le regrimper sa première. Tu sais, il y avait la question aujourd'hui, quoi faire pour relancer Max Pacioretty? Puis il y a un auditeur qui dit, tu sais, il faut que tu le punisses. Puis il y a du traitement de faveur envers Max Pacioretty, puis on devrait pas, blablabla. Puis Martin a dit, non, écoute, on l'a puni, on l'a mis sur la deuxième vague. écoute. En partant, là, OK, c'est ma dernière séance de bitchage contre Pacioretty, là, mais quand ton club gagne 10-1, que t'es pas capable de ramasser un asti de points. Et quand en prime, tu finis ta soirée à moins 1. Mesdames et messieurs du jury, I rest my case. excuse-moi, là, mais écoute, ben, mais tu sais, c'est ça le problème. Et c'est là que je m'en allais un peu. Et ça marche un peu de même à Montréal. Ben, pas un peu, ça marche de même à Montréal. Puis McLellan. Je pensais pas qu'il était ce genre de coach-là, mais on dirait que cette année-là, il coach pas pour gagner, mais pour pas perdre sa job. Je pense qu'il est rendu là, tu sais. Ouais. Ben, tu sais, à un moment donné, quand tu vois que c'est pas le DG qui va payer le prix de ses gaffes, puis que t'es celui qui est le plus facilement éjectable, je suppose que t'en viens peut-être à un point où est-ce que, ben écoute, les décisions se prennent plus en fonction de conserver ton salaire et ta job que de vraiment gagner des games, là, malheureusement. Là. Ouais, mais en tout cas, moi, j'ai bien la misère avec le fait de planter tes jeunes joueurs sur la place publique. Ça amène jamais rien de bon, ça. Ah non. Ça amène jamais rien de bon. Ah non, c'est comme on disait sur le dernier show, c'est ceux qui t'offrent le meilleur ratio performance versus salaire. Donc, c'est eux qui permettent réellement à ton club de s'améliorer. Oui, tu sais, puis ça me fait rire parce que j'ai lu ça souvent depuis le début de l'année, tu sais, que Connor McDavid a une saison plus ordinaire. Calvaire, il est 10e meilleur marqueur de la Ligue. Il a 33 points en 28 games. On s'entend qu'il est sur un rythme de à peu près 100 points cette année. Oh oui. Il a été malade. Il a perdu une douzaine de livres. Mais il a réussi à garder un ratio de plus qu'un point par game. Et oui, il est 10e meilleur marqueur de la Ligue, mais il est seulement 7 points en arrière de Kucherov, qui est le premier. Tu sais, il n'est pas à 25 points en arrière, là. Non, c'est ça. Puis s'il y en a un qui est capable de maintenir cette cadence-là, puis même de l'accélérer au fur et à mesure de la saison, c'est bien lui, là. Oui, parce que, tu sais, Kucherov, les 10 dernières games, ça va quand même bien. Il roule à peu près à un point par match, là. Mais c'est pas comme au début de l'année, là, que, tu sais, pif-paf, que c'était du 2 puis du 3 points par game, puis, tu sais, le temps va le rattraper à un moment donné aussi, là. Ben, il y a eu une passe, j'ai sa fiche en avant, là, de moi, du 18 au 25 novembre, un seul point, là, en 4 games. Puis là, ben, il est revenu, là. Un point le 28, un point le 29, deux buts le 2, puis deux passes le 5. Fait que, tu sais, il y a eu un petit passage à vide, mais il est vraiment sur une lancée, là. Quand moi, je te disais, ceux qui peuvent ralentir, là, je voyais Kopitar, je voyais Wheeler, je voyais Kessel qui peut ralentir, Schwartz aussi, tu sais, parce que ça a déjà même commencé. C'est les gars qui, par très bonne séquence, réussissent à se rendre là, qui sont d'excellents pointeurs du top 20, mais de là à devancer McDavid sur une long run, j'y crois un peu moins, là. Mais je pourrais me tromper, là, mais McDavid, pour moi, a plus la constance pour pouvoir remporter le championnat quand même des marqueurs, malgré qu'il y a 7 points de retard. Oui, tout à fait. Hey, dernière question là, pour rapper tout ça, là, pour toi, là, en tant que fan des Oilers, qu'est-ce qui manque pour passer au prochain niveau? Tu sais, que cette équipe-là soit réellement contender pour la Coupe, année après année, pour un certain laps de temps, tu sais, qu'il y a une vraie fenêtre d'opportunité, puis qu'en début de saison, tu le sais qu'ils vont être en playoff, puis que tu le sais qu'ils vont être dangereux pour les grands honneurs. Ben, en fait, il faut juste que tout le monde joue selon ce qu'ils sont capables de donner. Tu sais, si Cam Talbot redevient le Cam Talbot de l'année passée, t'as pas de problème avec ton gardien de but. Il manquerait peut-être un bon corps arrière en défensive. Et dans l'optique où est-ce que ni toi ni moi n'avons encore abandonné sur Jesse Puljujärvi, ça règle un de tes problèmes à l'aile encore là. Mais tu sais, c'est vraiment ça, là. On va avoir une meilleure idée quand Cam Talbot va revenir. Si, OK, ouais, c'était comme une blessure qui causait de l'inconfort à la Carey Price, puis que là, il revient en santé, puis que ça va bien, ben là, on enlève ça comme, tu sais, on sait que ça, c'est réglé. Il y a peut-être juste un bon défenseur pour tout solidifier ça. Mm-hmm. Mais mettons là que ça continue à s'enliser, date limite des transactions, faut liquider certains effectifs. Qui tu vois qui est sacrifiable pour pouvoir renflouer là, les coffres à d'autres positions ou pour effectuer un certain roulement? Là? Ben, selon moi, le premier à partir et tout le monde s'y attend, c'est Pat Maroon. Parce que tout le monde sait qu'il finira pas l'année à Edmonton, qu'on sait pas si Edmonton le re-signerait de toute façon, parce que même s'il n'y a pas des bons chiffres cette année, il y a eu une belle saison l'année dernière, il va demander une bonne augmentation de salaire. Donc, je m'attends vraiment pas à ce que Maroon finisse la saison à Edmonton. Sinon, ben, il y a toujours les rumeurs de RNH, Ryan Nugent Hopkins. Ça peut... J'haïs ça dire ça en pensant que c'est Chiarelli qui va faire le trade. Ouais, c'est ça, mais tu es capable de le magasiner pour aller combler. T'sais, parce que là, Draisaitl joue à l'aile, mais c'est un centre, c'est un gros centre. Là. tu sais, il fait 6-3, là, Drysdale, tu sais, c'est un gros bonhomme, c'est un gros joueur de centre. Donc, tu serais réglé 1-2 avec McDavid puis Drysdale. Tu es capable de échanger RNH pour soit solidifier ta défensive ou, tu sais, aller te chercher de l'aide au, sur une des ailes. Mais encore là, c'est un gros point d'interrogation parce que est-ce que je veux vraiment que Peter Chiarelli fasse ce move-là? Pas sûr. Ben, c'est lui qui est en place en ce moment. Fait que, tu sais, le meilleur move serait sortir de Chiarelli. Mais, tu sais, on le sait que c'est pas ça qui va arriver, là. Non, c'est pas ça qui va arriver, là. On n'est pas des grands fans, mettons. Non, vraiment pas. C'est pas le pire DG de la ligue, mais c'est pas le meilleur. Ouais. Un gars comme Russell en défense, Greibas, penses-tu que c'est de la viande la transaction? Ouais, mais tu vas aller chercher quoi contre ces gars-là? Ben, enlever le salaire, particulièrement pour Russell, qui est à 4 millions pour 4 ans encore. Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, si tu es capable de dealer Russell, faut que tu gardes du salaire, c'est sûr et certain. Ouais, sûrement. Faut que tu gardes au moins la moitié de ce salaire-là, je suis convaincu. Fait que tu sais, tu te retrouves à payer quand même 2 millions sur ta masse, tu sais, pour rien. Si t'as quelqu'un qui veut danser puis qui veut le prendre, go, vas-y. Mais j'ai des doutes, tu sais. C'est le genre de contrat qui s'est peinturé dans le coin un peu, là. Mais bon, qui sait, avec une expansion à Seattle. Peut-être. Si on était capable de se débarrasser du contrat de Benny Poupou, de Benoît Pouliot. Ouais. Tu sais que peut-être que celui de Chris Russell, on pourrait s'en débarrasser. Et peut-être qu'une expansion, un gars comme Milan Lucic, c'est là que tu peux te débarrasser de son contrat. Peut-être. Mais est-ce que Chiarelli est trop en amour encore avec lui? Je serais pas surpris. Fais-moi pas brailler. T'es chien. T'es chien. Ouais, il est là pour 6 ans encore. Qu'est-ce que tu veux te dire? OK. Arrête! Mais je vais arrêter parce que c'est pas mal là-dessus qu'on fait la fin, qu'on met un point final à cette émission-là. Sylvain, si ce n'était que de moi, c'est pas mal rien que de moi, je pense que la formule fonctionne. J'ai eu pas mal de fun. Ça change le mal de place de regarder ailleurs, de voir que c'est pas parfait non plus dans la cour du voisin. Les Anglais ont une expression qu'ils disent « The other guy have a big house too », tu sais, pour dire que des fois, c'est pas parce que ton club est bon que tu vas toutes les battre, parce que les autres aussi ont des bons clubs des fois, et à l'inverse, c'est pas parce que t'as un mauvais club que les autres peuvent pas en avoir un. C'est pas parfait, les Oilers. Disons que je troquerais l'alignement des Oilers à celui du Canadien. Pas mal n'importe quand, juste pour McDavid, je le ferais. Mais... Oui, parce que gagne ou perd, on a des bons matchs. Exact. Et ça, à Montréal, on n'est pas toujours ça. Fait que, Sylvain, merci beaucoup pour être venu jaser de hockey encore une fois cette semaine sur la POC. C'est toujours un plaisir, JB. Écoute, tu t'en viens de plus en plus fluide. J'adore ça. Je te vois déployer tes ailes, mon cochon. Bon, fait que, écoute, je ne sais pas quoi dire à ça, mais là, j'ai peur que tu me fasses un Claude Julien, que là, ça va bien, puis là, tu vas me sacrer sa troisième ligne. T'es le seul gars que j'enverrai pas en échapper, OK? En dessous de barrage, t'es le seul que je mets pas sur la liste. C'est chier, ça. Pourtant, j'ai des super de bonne main. Ben oui, mais... C'est bien là que je pourrais y aller. S'il y a personne qui peut me rattraper, je suis tout seul avec le gouvernement. Ben oui, mais on a des messages à passer, fait que c'est de même, bon, ça se passe. OK, c'est correct. Merci. C'est correct que je bêtais rien. Ah, écoute, on est de même. Hein? Merci, vous autres, les auditeurs, d'avoir été du rendez-vous. Laissez-nous savoir sur notre page page Facebook et sur notre Twitter. Comment est-ce que vous avez apprécié de vous faire jaser pendant une heure et plus d'un autre club que votre Canadien de Montréal? C'est une expérience que j'aimerais beaucoup, beaucoup, beaucoup retenter. J'ai déjà des noms pour les Sénateurs, l'Avalanche. Il y a une couple de clubs là, que j'ai des partisans dans mes contacts que j'aimerais avoir sur le show pour pouvoir voir comment est-ce que c'est dans ces formations-là. C'est quoi les forces, quoi les faiblesses, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui manque pour pouvoir en jaser. Mais on veut surtout plaire à notre auditoire, donc laissez-nous savoir si vous avez aimé cette aventure-là un peu différente sur la POC. D'ici le prochain épisode qui sera un retour à la normale, où est-ce qu'on va parler des activités du Canadien de Montréal, et qui sera la semaine prochaine, probablement jeudi le 14 décembre. Je vous souhaite de passer des bons moments, d'écouter du bon hockey et de nous revenir en forme pour le prochain épisode. Bye bye tout le monde! Salut! They're gonna clean up your looks with all the lies in the books to make a citizen out of you. Because they sleep with a gun and keep an eye on you, son, so they can watch all the things you do. Because the drugs never work, they're gonna give you a smirk, 'cause they got methods of keeping you clean. They're gonna rip up your heads, your aspirations to shreds. Another cog in the murder machine. They said I'll say that to scare the living shit out of me. They could care less as long as someone will bleed. So talk in your clothes, I'll strike a violent pose. Maybe they'll leave you alone, but not me. The boys and girls in the clique, the awful names at the stick, you're never gonna fit in much, kid. But if you're troubled and hurt, what you got under your shirt will make them pay for the things that they did. They said I'll teenage scare the living shit out of me. They could care less as long as someone will bleed. So talk in your clothes, puis par définition, on se retrouve toujours à parler du Canadien pareil. Mais c'est parce que c'est le comparable, mais c'est pour ça que des fois, on glissait, puis c'était correct aussi, mais on revenait. Ça change la perspective avec laquelle on analyse la formation, on veut pas, parce qu'on la compare avec d'autres choses. Ben oui, c'est ça, puis il faut que tu parles avec un comparable. Si tu fais des comparaisons avec les Coyotes de l'Arizona, ben il y en a combien dans les auditeurs qui ont regardé des games des Coyotes de l'Arizona? Même moi, j'ai regardé une game avec les Coyotes, puis c'était celle des Oilers. Non, c'est ça. C'est comme... Écoute, l'autre jour, j'écoutais Jets contre Sénateurs. Les Jets sont beaux à voir aller en tabarnak. Ah, les Jets, là, moi, je vois les Jets en avant des Oilers. Oh oui, en termes de oui, oui, oui. Elles sont tellement bien nantis partout. La seule faiblesse, c'est d'un but, puis là, Hollebuck fait la job. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. Non, ils ont un Christy de beau club, puis ils ont des gars qu'on n'entend pas parler. Hey, Scheifele, là, c'est sa troisième saison en ligne qui est incroyable. Ehlers s'améliore à chaque année. Tu sais, tout le monde parle de Lainé. Et avec raison, là, il est super bon, là. Mais moi, tu donnes le choix entre Scheifele, Ehlers puis Laine. Ben, Laine est troisième pour moi, là. Ouais, plus unidimensionnel. Mais les Jets, là, c'est tellement bien balancé. C'est une machine qui est bien huilée. Ben ouais, ils ont des. T'sais, ils ont un bon mix de jeunes défenseurs, de défenseurs d'expérience, tu sais, Bufflin avec Trouba, avec. C'est, ça marche, là. Une finale Tampa Bay-Winnipeg, ce serait cœur. C'est Tampa Bay, c'est pour moi, c'est le club avec le moins de faiblesse. Le gardien de but était écœurant. La défensive avec Sergachev, quel ajout, c'est magistral. Il y avait de l'attaque, il en chiait aussi, puis ils ont été chercher le meilleur défenseur de la dernière cuvée au draft. Man, quel deal. Eisenman doit se flatter là, en se disant « Ah, oh, c'est-tu que je t'aime, toi? » Il se oui. flatte, là, puis il s'aime, oui, c'est sûr. Oui, parce qu'il avait plus besoin de Sergachev que de Drouin. Ben, Chris, oui. Mais puis ça a l'air, en plus, c'est une drop. Ouais, mais moi, Sergachev, je suis pas encore convaincu. Moi, je suis vendu, là. Moi, je l'ai vu jouer. Moi, je l'ai vu jouer l'année passée. Entre autres, j'étais allé à la game de la médaille de bronze. J'allais dire URSS. ça trahit mon âge. On ouvre ton âge en esti, hein? Ouais, c'est ça. Entre la Russie puis la Suède. Et Sergachev a été. Quand il était pas invisible, il était atroce. Cette année-là, là, l'an passé, tu sais, il y a des joueurs, des jeunes, là, que. Ils pensent qu'ils sont rendus dans la Ligue nationale. Puis je les comprends, tu sais. Ils ont le talent, ils ont brûlé le junior. Et ils devraient avoir la possibilité de pouvoir grimper d'un niveau malgré tout, mais les règlements sont faits qu'ils peuvent pas. Il aurait fallu qu'ils soient en Europe pour pouvoir le faire, ça. Le règlement est drôlement fait, là. Tu sais, le nombre d'années avant de devenir UFA pour les joueurs canadiens est moins long que les joueurs américains. Tu peux aller dans la Ligue américaine pour les joueurs européens, mais pas pour les joueurs canadiens et américains. Tu sais, Chris, c'est tout des kids, là. Le pays devrait pas avoir d'influence, mais ça, c'est un autre débat. Comme ça arrive à plusieurs très gros talents repêchés tôt, retournés dans le junior, les gars vivent un burn-out là, quasiment. Ils sont des blues, puis c'est pas payant pour eux autres. Sergachev, c'était ça. Là. Il est revenu là, cette année, là, tu vois ses photos, gros sourire, il a de l'air enjoué, il a de l'air. T'sais, c'est une machine d'entraînement. Les coachs n'ont pas un mot à dire, mais l'an passé. N'importe qui aurait passé dessus puis qu'il y aurait eu gain de cause, tu sais. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais ça, tu sais, puis comme je te dis, j'y enlève rien, mais je suis pas convaincu. Puis regarde, on va s'entendre qu'il fera pas toujours le nombre de points qu'il fait cette année, là. Tu sais, les équipes adverses vont s'y habituer aussi à Sergachev, puis. Mais c'est ça. Je sais pas trop. Je suis pas convaincu encore. Tu sais, Sergachev. Je dis pas que c'est un pied de céleri, mais. À sa première saison, Sergachev, en ce moment, est le 10e pointeur chez les défenseurs. T'sais. Ah, oui, oui. Ah, ben oui. Ouais, mais tu sais, il joue. Tu sais, t'as eu les 15 premières games, même à Tampa, là, tu sais, les 15 premières games où est-ce que, justement, que sur leur power play, puis tout ça marchait, aussi que, voyons, Kucherov avait presque 30 points en 15 games, tu sais. Mm-hmm. C'était l'enfer. Là, c'est revenu plus à la normale, tu sais, puis les autres équipes se sont un peu habituées à comment ça se passe à Tampa, là, tu sais, parce que c'est une dynamique différente, là, tu sais. Avant, c'était Stamkos, fallait que tu checkes. Là, faut que tu checkes Kucherov, mais si tu checkes trop Kucherov, Stamkos est libre, tu sais, c'est Chris, c'est tout un one-two punch, là, qu'ils ont, là. Ouais. Tu sais, tandis que Stamkos a toujours joué avec des joueurs plus marginaux, tu sais, il a jamais joué avec une superstar comme Kucherov, là. Mm-hmm. Non, c'est ça. C'est ça. Mais tu sais, comme tu disais, je pense que Tampa Bay avait plus besoin de Sergachev que de Drouin. D'ailleurs, le drop de salaire, juste ça justifiait de la transaction facilement pour Tampa Bay. Puis l'hostie de facteur francophone, là, je suis assez curé, là. Parce que ça fait en sorte que les autres clubs, ils le savent, là. Tu sais, Julien Brisebois, il l'a dit à Eisenman, « Hey, tu peux y faire payer un petit peu plus cher parce que c'est un joueur qui va être une vedette à Montréal parce que c'est un francophone. » Fait que ça débalance tous les trades que tu fais. Mais en toute honnêteté, moi là, j'ai pas trouvé qu'on a payé si cher que ça pour aller chercher Jonathan Drouin. Ben, moi, je trouve que oui. Là. Ben, moi, je trouve pas. Ça, hey, tu sais, Drouin, là, moi, c'est un des joueurs que je préfère dans la ligue. Là. C'est un des joueurs avec les meilleures mains, avec un des meilleurs hockey IQ. Là. C'est juste que si on s'entête à vouloir le faire jouer au centre, tabarnak, c'est pas sa force. Tu vois, c'est là que je m'enlignais aussi. C'est qu'on Chris voulait Galchenyuk tellement... au centre, puis ah oui, mais c'est ça. Tout à fait. C'est que en plus d'avoir payé le gros prix parce que c'est un francophone, on paye le gros prix parce qu'on dit ça va être lui le premier joueur de centre, alors que c'est pas un premier centre. À la limite, un deuxième. Il n'y a pas la shape, il n'y a pas... Mais non, c'est pas premier... C'est un winger. Ouais. C'est un winger, tu sais, il a toujours joué justement avec, McKinnon, ça marchait bien. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi on s'entête à... Moi, McKinnon Drouin, je vois ça à peu près comme Galchenyuk Drouin. Ben oui. Galchenyuk a sensiblement la même vision du jeu que McKinnon. Moi si McKinnon est plus explosif. Si j'étais Galchenyuk, je la demanderais la transaction. OK? Montréal veulent tellement trop d'orgueil, ils veulent pas que ce gars-là ait du succès. Parce que ça détruirait tout leur orgueil puis tout ce qu'ils ont bâti comme présumé argumentaire pour le dévaluer, pour se donner raison. Chris Drouin se blesse, ils mettent sa première ligne au centre de la Rose. Hey, c'est une insulte, ce calice? Non, mais c'est-tu une insulte qui vient qu'un peu? Hey, c'est tout un insulte. Mais tu sais, c'est là qu'on voit, chaque coach a son esti de chouchou qu'on se regarde tout et on fait comme calice, comment ça qu'il joue autant que ça? Puis de la Rose, c'est ça avec Claude Julien. Là. Ouais, puis Morrow. C'est son chouchou, là. Puis Morrow. D'ailleurs, moi, je suis vraiment déçu. Là. Moi, j'aurais placé Morrow au balotage bien avant Davidson. Là. Ben oui. Davidson te génère pas de points, mais il t'en coûte pas. Morrow peut éventuellement te générer des points, mais pas tant que ça. Et écoute, c'est quasiment 3-1, là, le nombre de chances de marquer pour l'adversaire quand il est sur la glace versus lui, ce qu'il est capable de générer, tu sais. Ah, oui. Non. Non, je regarde pas le Canadien tant que ça, là, mais j'ai vu jouer Davidson à Edmonton l'année passée. Puis là, quand il est arrivé à Montréal, je me suis dit, voyons, comment ça qu'il l'utilise de même? Il tenait son bout à Edmonton, ça allait quand même bien, je comprends pas trop. T'sais. Puis là, tu t'en vas le perdre pour absolument rien. Ouais. En tout cas. Le Canadien de Montréal, c'est mystérieux. C'est. Mais t'as mis le doigt sur le bobo, c'est exactement ça. C'est une affaire d'orgueil. Parce que Marc Bergevin ne pourrait pas dealer avec le fait que Galchenyuk s'en va ailleurs et qu'il a du succès. Là. Mm-hmm. Parce que c'est ce qui va arriver. Là. Mon cas sur cette situation-là, je vois beaucoup de similarités entre le cas de Galchenyuk et le cas de Tyler Seguin. Hey, je viens d'ouvrir la game sur le site des NHL, puis tu sais, il présente qui ça Atlas, puis en ce moment, il présente Galchenyuk comme étant au centre, avec de la Rose à droite, puis Byron à gauche. Je comprends pas. Il doit avoir un bug. Fort probablement, mais... Puis là, ben là, j'ai vu ça passer là, que ils vont mettre Gallagher avec Pacioretty pour essayer de relancer Pacioretty. Hey, pauvre Gallagher, man. Il est tout le temps pogné pour essayer d'aller relancer un puis l'autre, Asti. C'est son jeu à lui qui va en souffrir après. Ouais. Asti, que je comprends pas. Et pourtant, encore là, Gallagher et Galchenyuk, ça a toujours bien fonctionné ensemble. Mais les Asti, tant qu'à avoir de la rose, mets donc Gallagher avec Asti. Mm-hmm. Ouais. Tu sais, ou à la limite, Chrissy Hudon. Tu sais, qui a le plus de chance? Ça serait intéressant, ça. Ben, voyons. Qui a le plus de chance de générer de l'attaque entre Hudon et de la rose? C'est même pas une question qui se pose, là. Tu sais? Mm-hmm. Ah, oui. Parce que, tu sais, Hudon, il y a un flair offensif que de la rose n'aura jamais. Tu sais, puis, moi, les images que je vois, Hudon puis Gallagher, ça marche bien en esti, là. Mm-hmm. Le col roulé, il a pas trop l'air de savoir qu'est-ce qui se passe, puis il essaie de les suivre, là, mais tu sais, c'est ces deux-là là, qui sont partout sur la glace. Là. Ouais. Ah, l'orgueil. Ouais, c'est ça. C'est ça. Hey, merci, Sylvain. Moi, je vais aller faire le montage. Ça fait toujours plus plaisir. Just the way that we do when it's not in the afternoon.